Chapitre 6. L'enfant se fortifia de jour en jour. Lorsqu'elle eut 6 mois, sa mère la posa à terre pour voir si elle se tiendrait debout. Et elle fit 7 pas en marchant, et elle vint se jeter dans les bras de sa mère. Et Anne dit, « Vive le Seigneur mon Dieu, tu ne marcheras pas sur la terre jusqu'à ce que je t'ai offerte dans le temple du Seigneur. » Et elle fit la sanctification dans son lit, et tout ce qui était souillé, elle l'éloignait de sa personne à cause d'elle. Et elle appela des filles juives sans tache, et elle soignait l'enfant. Et quand elle eut accompli sa première année, Joachin donna un grand festin, et il convia les princes des prêtres et des scribes, et tout le Sénat et tout le peuple d'Israël. Et il offrit des présents aux princes des prêtres, et ils le bénirent, disant, « Dieu de nos pères, bénis cet enfant, et donne-lui un nom qui soit célébré dans toutes les générations. » Et tout le peuple dit, « Amen, ainsi soit-il. » Et les parents de Marie la présentèrent aux prêtres, et ils la bénirent, disant, « Dieu de gloire, jette tes regards sur cet enfant, et accorde-lui une bénédiction qui ne connaisse aucune interruption. » Et sa mère la prit, et lui donna le sein, et elle entonna un cantique, disant, « Je chanterai les louanges du Seigneur mon Dieu, car il m'a visité, et il m'a délivré des outrages de mes ennemis. Et le Seigneur Dieu m'a donné un fruit de justice multiplié en sa présence. » Qui annoncera aux enfants de Ruben que Anne a un nourrisson? Écoutez, vous les 12 tribus d'Israël, apprenez que Anne nourrit. » Et elle déposa l'enfant dans le lieu de sa sanctification, et elle sortit et elle servit les convives. Quand le festin fut terminé, ils se retirèrent pleins de joie, et ils lui donnèrent le nom de Marie, en glorifiant le Dieu d'Israël.